fait qui confirme ça moi même pensé du. A pas ça, yo ka di yo toujours dis moi y comparaison. Dis-moi, laissez yo parler, oh non non ça pas fait yeah, yeah. Oh non. Si ou deye ou ke toujou deye Pendant yo ka ochipe di mwen sa mwen ka fe mwen ka agi. Dis-moi ça manque à faire, moins qu'à agir.